Au fond, c'est ce qu'il faut. C'est jeter les bases, mais alors des bases authentiques d'une véritable union politique africaine. C'est de cela que souffrent les Africains. Il existe des tas de regroupements économiques sur le continent africain, mais qui ne marchent pas. Ce qu'il faut, c'est que les Africains aient le courage, comme certains États l'ont réalisé au 19e siècle, à la fin du 19e siècle en Europe, de créer des sortes d'unions politiques qui soient des États viables. Est-ce que vous savez que sur les 45 États subsahariens, il y a en Afrique, il y en a 25 qui ont une population de moins de 5 millions d'habitants? Comment peut-on construire un pays? Comment peut-on développer la recherche scientifique? Faire des universités dignes de ce nom, mettre une politique agricole vraiment intelligente, cohérente, lorsqu'on est si peu nombreux et si dispersés. C'est moins sur l'OUA que sur son fondement philosophico-politique, le panafricanisme, que s'intéresse Maître Abdoulaye Wade, alors secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, le PDS, en 1990 dans l'émission « Mémoire d'un continent ».